Nous allons maintenant commencer ou continuer à étudier le livre de l'Apocalypse, ce merveilleux livre qui a été écrit à l'Église de ce temps-là, mais aussi à l'Église de tous les temps. Mais à ce temps-là, l'Église vivait des difficultés énormes, la persécution était terrible de la part des Juifs, de la part des Romains. Et l'Église est découragée, et l'Église est perturbée, et l'Église a fait des compromis, et l'Église a abandonné la vérité à bien des niveaux. Au point où ce que Jésus veut l'encourager, mais il l'appelle à la repentance. Il dit, tu as perdu ton amour pour moi. Tu as peur de vouloir souffrir, donc tu fais des compromis. Tu as parmi toi des Balaam, tu as parmi toi des Nicolaïtes, je les déteste. Il y en a parmi vous même qui pratiquent des doctrines du diable, de Satan. Il y en a qui pensent être vivants, et moi je vous déclare mort. Il y en a qui pensent être riches, mais ils sont pauvres, et je vais vous vomir de ma bouche parce que vous êtes tièdes. L'Église est dans une situation très difficile, et Jésus dit, il faut que tu te repentes. Je voudrais t'encourager par certaines vérités, principes, en te déclarant l'avenir. Et c'est pour ça qu'il lui dit, montre ici. Et je vais te montrer ce qui doit arriver dans l'avenir. Vous savez, Dieu a toujours été au contrôle du monde. Depuis que le monde est monde, Dieu est au contrôle. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Dieu a envoyé une sécheresse sur le pays de Canaan. Parce qu'il veut punir Canaan. Parce que Canaan est un pays d'idolâtrie. Il ne les punit pas juste pour les punir, il les punit ou les châtie pour qu'ils se repentent de cela et viennent à Dieu. Mais dans ce pays-là se trouve Jacob. Mais il veut protéger Jacob de cette destruction qui va venir par la sécheresse. Donc, il va emmener Jacob en Égypte. Mais la façon qu'il va s'y prendre nous étonne un peu. Pour nous autres, nous savons, on serait pris autrement. Mais Dieu l'a fait d'une façon divine et d'une façon parfaite, d'une façon souveraine. On sait que les frères de Joseph vendent Joseph en esclavage parce qu'ils sont jaloux de l'amour un peu particulier de Jacob pour Joseph. Donc, ils le vendent en esclavage et la caravane qui s'adonne à passer les amène en Égypte. Et là, il est vendu à Potiphar et il y a des problèmes avec la femme de Potiphar. Et à cause de la femme de Potiphar, il se ramasse en prison pendant plusieurs années. Le pharaon a des songes et des visions, des rêves, et n'est pas capable de les interpréter. Et finalement, une fois une longue histoire courte, Joseph est appelé, parce que Joseph a la capacité d'interpréter les rêves. Et à cause de son interprétation, Pharaon le met en place et il devient le père de l'Égypte. Et à cause qu'il est en position du père d'Égypte, il va pouvoir emmener son peuple en Égypte et le placer dans le pays de Goshen, et pour qu'il puisse prendre soin de ce peuple-là en même temps qu'il va sauver l'Égypte de la famine. Dieu voulait protéger son peuple. Ensuite, Dieu veut délivrer son peuple de l'esclavage. Quand il l'avait emmené en Égypte, il connaissait l'avenir. Il savait qu'il était pour être là pendant 400 ans comme esclave. Ça ne l'a pas empêché de l'emmener. Ils ont souffert en tant que peuple pendant 400 ans. Parce que Dieu voulait enseigner son peuple, voulait instruire son peuple aussi à travers ça. Et pendant 400 ans, ils sont là et ils souffrent l'esclavage. Mais à un moment donné, Dieu dit qu'il entend Israël crier. Et il va susciter Moïse, il va susciter un libérateur. Oh my, je suis convaincu qu'Israël ne pouvait pas s'imaginer comment Dieu s'y prendrait. Premièrement, Dieu permet la destruction de tous les enfants mâles. Les enfants mâles, les parents d'un enfant ne veulent pas le tuer. Donc, ils le mettent sur le Nil dans un petit panier d'osier. Et là, il est recueilli miraculeusement par la fille de Pharaon. Il est élevé en Égypte. Il connaît les Égyptiens, il connaît leur façon de faire, il connaît leur façon d'agir, il connaît leur langue, il apprend leurs coutumes. Et pendant 40 ans, il vit là. Au bout de 40 ans, Dieu lui parle pour qu'il libère son peuple. Mais il le fait d'une façon catastrophique, comptant sur ses capacités. Et Dieu dit, t'as pas compris encore, Moïse. Et envoie Moïse 40 ans au désert, où est-ce qu'il va apprendre l'humilité et la dépendance de Dieu. Et là, Dieu le prend et il le sort de là. Sort son peuple, je veux dire, de l'Égypte. Par sa puissance, par son bras droit. Encore aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'Église souffre. L'Église est dans un monde de ténèbres. L'Église est dans un monde où est-ce qu'il y a les persécutés, rejetés, moqués, bafoués de toutes les façons possibles. L'Apocalypse, c'est la façon où est-ce que le livre qui décrit comment Dieu va venir sortir son peuple de là, établir son royaume, afin d'être glorifié par tout l'univers. Donc ce matin, nous continuons cela. Donc tout à l'heure, j'ai dit, viens, monte ici, je vais te montrer l'avenir. Et quand il est dans le chapitre 4, je ne sais pas si Jean s'attendait à voir l'avenir, mais il ne voit pas l'avenir, il voit celui qui a fait l'avenir sur ce beau trône avec des arcs-en-ciel. Et Dieu est assis là, et Dieu est vénéré, élevé, adoré par tous ceux qui sont dans le ciel. Il dit, c'est digne d'adoration parce que c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui as fait le monde et son histoire aussi. Ensuite, on tourne au chapitre 5 et là, on voit Dieu qui a un rouleau dans les mains, rouleau de l'histoire du monde. Mais ce rouleau-là est scellé. Et personne dans le ciel n'est trouvé digne de l'ouvrir, accepter l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est digne? C'est parce qu'il a été immolé pour racheter ce peuple-là par son propre sang. Parce qu'il a racheté le peuple, il est digne maintenant de délivrer le peuple. Et on arrive au chapitre 6. Et le chapitre 6, on nous montre Jésus ouvrant les seaux, ainsi démontrant son contrôle sur tout ce qui arrive dans le monde. Si vous pensez que ces choses-là arrivent pendant le temps des tribulations, mais c'est encore Jésus qui contrôle pareil. Si vous pensez, comme moi, que ces choses-là arrivent pendant l'histoire de l'humanité, pendant l'histoire de l'Église, c'est encore Jésus qui contrôle quand même. Donc, peu importe la position que vous prenez, le but du chapitre n'est pas de nous déterminer tous les détails du temps que ça va se passer, mais surtout de nous montrer qu'il est au contrôle de tout ce qui arrive dans le monde. Et combien, et combien, et combien nous avons besoin dans nos vies personnelles de tous les jours de croire cela. D'être convaincu de cela. On a vu la semaine passée qu'il est au contrôle du monde politique, parce que c'est lui qui donne les couronnes. C'est lui qui donne à chacun de vaincre. Dans ce temps-là, on prenait position où on devenait celui qui régnait par la guerre ou par la succession de pères, de rois qui transmettaient sa position au prince et qui devenait à son tour roi. Mais si tu voulais prendre le contrôle, c'était souvent par la guerre. Ici, Jésus ouvre le premier sceau et dit à un homme, va et va vaincre. Je crois qu'il est en train de nous dire par cela que c'est lui qui détermine qui contrôle le monde. Ce n'est pas nous, par nos votes démocratiques, qui votons, qui mettons en place, je veux dire, les gouvernements. Non, non, non, non. Je ne vous dis pas que c'est mal de voter, puis on vote, ceux qui veulent voter, votent. Mais que ce soit dans un pays de dictateurs ou de pays de rois, ou dans des royaumes comme certains pays où on a des rois encore, que ce soit des gouvernements comme nous autres, qu'on vote par démocratie, que ce soit des dictateurs, c'est toujours Dieu qui met en place les rois. On a vu ensemble que c'est lui qui contrôle la paix dans le monde. Ici, il ouvre le deuxième sceau et dit à un homme, à un des cavaliers, va enlever la paix sur la terre. Oh, mes frères et sœurs, si vous ne croyez pas que c'est Dieu qui est au contrôle de cela, lisez l'Ancien Testament. Vous allez voir que Dieu contrôle la paix et la guerre. C'est lui qui dit à son peuple, va au pays de Canaan et fais-leur la guerre et détruis tout ce peuple-là. Ça fait 400 ans que je les appelle à la repentance, ils n'ont pas voulu. Ils adorent des faux dieux. Donc, je te donne le peuple, mais, le pays de Canaan, mais il va falloir que tu détruises tous ces peuples-là pour le posséder. Et c'est Dieu qui dit ça, là. C'est littéralement Dieu qui dit ça à son peuple. Donc, ils doivent rentrer et détruire hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Ils détruisent tout en passant. C'est sauver ça dur. C'est pas plus dur pour Dieu de détruire un peuple par la guerre que de détruire par le déluge, par un feu qui tombe du ciel, par la peste. Vous pensez que Dieu est dur? Dieu n'a-t-il pas le droit de détruire les impies, les idolâtres, les pécheurs? Mais oui, il a le droit. C'est Dieu. Il est juste. Les hommes ont péché contre lui. Les hommes l'ont rejeté. Les hommes l'ont diffamé. Les hommes sont devenus ses ennemis. Il contrôle aussi, au verset 5 et 6, l'économie. Il envoie le troisième sceau, puis il envoie le troisième cavalier, puis il dit, maintenant, tu vendras ceci, tant de blé, tant de ci, tant de farine, mais ne touche pas à l'huile, ne touche pas à ceci. C'est lui qui contrôle l'économie. Donc, il y a des pays, des fois, que c'est des famines épouvantables. D'autres pays, c'est l'abondance. Et 100 ans plus tard, c'est l'inverse qui se produit. C'est lui qui contrôle. Mais il y a toujours juste un but, d'emmener ces gens-là, ces personnes-là, dans tous les pays du monde. Il y a juste un but, d'emmener ces gens-là à se tourner vers lui. De leur montrer que ce n'est pas leur bout de bois, ou leur bout de plâtre, ou leur médaille qui contrôle le monde. Que ce n'est pas l'homme qui contrôle, mais c'est lui qui contrôle. Son but est toujours très positif, d'emmener les gens à la repentance. Il contrôle aussi la mort. Il dit au quatrième, va. Et il donne le pouvoir de faire mourir le corps de la terre. Il a le pouvoir de faire mourir tous ces personnages, ces hommes et ces femmes et ces enfants. Il va les faire mourir. Par quoi? Il dit, fait périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages. Fais-les mourir. C'est lui qui a le pouvoir. Sur la mort. Que ce soit la mort d'un individu, que ce soit la mort de 150 000 personnes en Asie par un tsunami, que ce soit la mort de 200 000 personnes par un volcan, que ce soit la mort de millions de Juifs par Hitler, Dieu a le contrôle sur la mort et sur la vie. Il dit dans l'Apocalypse, j'ai les clés de la mort et j'ai les clés de la vie. C'est moi qui contrôle. Les gens qui meurent, ne meurent parce que Dieu veut. Ensuite, ce matin, on continue au cinquième sceau, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis un autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche leur fut donnée, et chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devra être mis à mort comme eux. Maintenant, il semble que Jean voit une espèce d'autel et sous l'autel, il y a des âmes. Les âmes des chrétiens qui sont morts, hein, martyrs, et qui crient. Et qui demandent à Dieu, venge-nous. C'est drôle, hein? Que des gens dans le ciel, des chrétiens qui sont morts, qui sont déjà dans le ciel, demandent à Dieu de venger leur sang. On dirait, il me semble, que ce n'est pas digne de personnes qui sont dans le ciel, ça. Et qu'on pense-tu en tant qu'être humain centré sur nous-mêmes? On se voit en tant que pécheur comme le nombril du monde. Vous savez, ce n'est pas nous qui sommes le nombril du monde. C'est Dieu le nombril du monde. Et les saints dans le ciel veulent que Dieu les venge. Pas juste parce qu'ils sont en colère contre ceux qu'ils ont fait mourir. Je crois qu'ils demandent à Dieu de se venger et de mettre une fin à cette folie de l'humanité qui est contre leur Dieu, qui est contre celui qu'ils adorent, qu'ils aiment. Mais Jésus leur dit, non, attendez, ce n'est pas le temps de la vengeance. Ce n'est pas encore le temps. Il y en a encore qui vont mourir. Beaucoup de chrétiens vont encore souffrir. Beaucoup, des millions vont mourir pour leur foi à travers le monde, à travers l'histoire de l'Église. Mais ce n'est pas terminé. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus pourrait le terminer. Mais il décide de ne pas le terminer. Mais il dit bien qu'il va le terminer. Une question de temps, il va le terminer. Et quand on va arriver au chapitre 19, vous allez voir, il va dire, voici, je vous ai vengé, j'ai détruit la grande Babylone qui faisait mourir mes enfants. Il va faire la vengeance un jour. Donc ici, ce cinquième ou ce sixième sceau? C'est le cinquième. Nous voyons que dans ce cinquième sceau, Jésus a le contrôle sur la persécution, sur la tribulation que l'Église souffre. Il a le contrôle sur la mort de ses enfants. Et c'est lui qui a le contrôle. Quand ça va être le temps de terminer et de venger son peuple, ça va être le temps. Il nous dit, nous ne vengez pas. Il dit, hein, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Parce que nous, quand on se venge, on n'a jamais des bons motifs. Laissons Dieu faire. Laissons-lui le privilège de venger son peuple. Et de montrer ainsi sa force, sa puissance, sa sainteté, sa justice. Sixième sceau. Versets 12 à 17. Je regardais et il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans des cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» La réponse, personne ne peut subsister. Imaginez-vous, ça va être tellement terrible ce qu'il décrit là. Jésus enclenche ici par le sixième sceau ce que moi j'appelle la fin des temps. Enclenche sa colère. C'est drôle, hein? Un agneau en colère, absolument, on pense qu'un agneau c'est doux, un agneau c'est bonasse, ça se laisse faire, ça n'a pas de défense. Mais ici, l'agneau est en colère. Et mais, la colère de Dieu. La colère des hommes, c'est rien, c'est des poussières. La colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, elle est sainte, elle. Notre colère, nous autres, est souvent non justifiée et égocentrique. Mais la colère de Dieu, elle est parfaite. La colère se manifeste pour détruire le mal. Les gens ici sont tellement terrifiés par tout ce qui arrive. Ils disent aux montagnes de tomber sur eux pour les cacher de l'agneau. Il y a un passage dans la Bible, on va voir dans le chapitre 9, les gens souffrent tellement qu'ils veulent mourir. On va voir dans le chapitre 9 que les gens qui sont sur la terre souffrent tellement qu'ils veulent faire un suicide collectif. La terre entière voudrait mourir. Et la Bible nous dit que la mort fuit loin d'eux. Dieu ne permettra pas qu'ils se donnent la mort. Ils vont souffrir. Mais encore là, tout ce qu'on va voir, c'est terrible. Mais c'est rien à comparer à la souffrance qu'ils vont avoir dans l'enfer. Et c'est Jésus qui contrôle ça. Quand Jésus était sur la terre, il dit, je ne sais pas l'heure de la fin du monde. Mais ici, en tant qu'agneau de Dieu dans le ciel, c'est lui qui va déclencher. Donc, il y a certainement qui le sait. Ensuite ça, on va sauter le chapitre 7. Parce qu'au chapitre 7, il y a quatre anges qui se lèvent pour faire du mal à la terre. Mais arrête, dis, attends-moi, touche pas, ne touchez pas à rien, attendez un peu. Et là, on va s'en aller, nous autres aussi, au chapitre 8. Allons au chapitre 8, si vous voulez bien. Et on va aller voir le septième saut. On va sauter le chapitre 7, on va revenir plus tard. Après cela, je vis quatre anges, ça c'est chapitre 1, hein? Je vis quatre anges au coin de la terre, chapitre 7, et ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, sur la mer, et ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant et cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc, il retient ces quatre anges-là parce que je n'ai pas fini de marquer ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, nous descendons au chapitre 8. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les anges qui se tiennent devant Dieu. Et sept trompettes leur fut données. Un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, des tremblements de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Ici, nous sommes au dernier sceau. Jésus ouvre le dernier sceau. Ils vont enclencher par ça les grandes catastrophes qui vont arriver sur la terre. Sept trompettes et sept coupes vont venir par après. Des moments terribles. Des moments de grande souffrance. où ce que les gens vont mourir par millions et par milliards. Ils ne vont pas se repentir. Le temps de la grâce est terminé. Ces gens-là vont se rebeller contre Dieu. On va voir qu'ils vont grincer des dents contre Dieu. Ils vont se mettre en colère contre Dieu. Ils en veulent à Dieu de les faire souffrir comme cela. C'est pourquoi? Parce que l'humanité pense que Dieu est là pour les servir. Mais ici, vous avez remarqué avec moi que les saints sont dans le ciel. Puis je crois à ce moment-là, personnellement, je crois à ce moment-là que les saints sont tous là. Parce que c'est la prière des saints qui sont là aussi. Les saints veulent mettre une fin aussi. Parce que ces saints-là dans le ciel sont en même diapason que Dieu. Ils pensent comme Dieu. Ils veulent comme Dieu. Et ils veulent mettre une fin au mal dans le monde. Mais pour mettre fin au mal dans le monde, il faut qu'il n'y ait plus de monde. Parce que le mal est dans le monde. Le mal n'est pas dans les arbres. Le mal n'est pas dans la couche d'ozone. Le mal n'est pas dans les bombes atomiques. Le mal n'est pas dans les fusils. Le mal n'est pas dans la drogue. Le mal n'est pas dans le sexe. Le mal est dans les gens. Et si Dieu veut enlever le mal sur la terre pour établir son royaume, il doit enlever les gens. Et il va les enlever. Mais les saints, le jour, on va voir que pendant qu'on est sur la terre, les saints prient pour que les gens soient sauvés. Pour que Dieu les sauve, pour que Dieu ait pitié de eux. Mais quand les saints arrivent dans le ciel, ils prient pour leur destruction. Pour le moment, notre responsabilité, c'est de prier pour eux, afin qu'ils viennent au Seigneur. De prier pour nous, afin qu'on puisse leur amener l'Évangile. Parce qu'il y aura un moment où ce que nous allons nous joindre avec ces saints-là dans le ciel, et nous allons demander à Dieu qu'il amène la destruction des gens qui n'ont pas voulu se repentir. Jésus contrôle. Le monde politique. Il contrôle la paix dans le monde. Il contrôle l'économie mondiale. Il contrôle la mort des gens. Il contrôle la persécution des saints. Il contrôle la fin du monde. Il contrôle les jugements de Dieu. Jésus contrôle tout. L'anneau de Dieu a le pouvoir de contrôler le monde dans lequel nous vivons. Et la Bible nous dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire et pour le bien de ses enfants. Tout concourt à notre bien. Dans les 150-200 000 personnes qui sont mortes en Asie, pour la grande majorité pour eux autres, ça a été la destruction physique et ça va être aussi la destruction spirituelle. S'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, s'ils n'adoraient pas Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, ils sont maintenant en enfer, si je peux dire ainsi. Ils sont loin de Dieu pour l'éternité. Mais les enfants de Dieu qui sont morts dans cette zone de ce désastre, c'était leur bien. Parce que maintenant, ils sont dans le ciel avec Dieu. Ils sont dans le ciel avec Dieu. Ils sont heureux. C'est parfait pour eux autres. Oh, il y a des gens qui sont sur la terre qui pleurent. Il y en a d'autres qui sont dans le ciel et qui sont bien heureux. Que le Seigneur puisse nous aider à croire à la souveraineté parfaite de notre Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents que tu nous as montré encore ce matin à quel point tu es parfait, à quel point tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Puisses-tu être béni éternellement. Ça me fait du bien dans mon âme, ça me fait du bien dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon intelligence, de voir que le contrôle n'est pas dans les mains des hommes pécheurs. Parce que ce serait terrible. Mais c'est entre tes mains et j'en suis heureux et content. Béni sois-tu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.